et tous et bienvenue dans ce premier numéro de Dev & Retry, le podcast des jeunes développeurs ou des teen titans du jeu vidéo comme j'aime bien nous appeler. Au programme de ce soir, nous allons parler de la Global Game Jam et des Game Jam en général. Et pour m'accompagner, nous sommes pas mal autour de la table puisque nous sommes 6. Alors commençons par ma gauche. Oui, effectivement, vous venez d'entendre Guillain. Je te laisse te présenter, Guillain. Bonsoir, moi je m'appelle Guillain Desbrousses. Je suis un ancien étudiant d'une école qui s'appelle Artefix à Montpellier. Et j'ai créé en dernière année un jeu qui s'appelle Arashi, et actuellement en fait je suis en train de continuer le développement de ce jeu avec Sylvain Morin, un ancien camarade. Et voilà, donc j'ai une certaine expérience sur les Global Game Jam, mais je vais être aussi chroniqueur pour cette émission. Quel est ton jeu vidéo préféré? Je pense que ça serait plus sur du RPG, je dirais Skyrim ou The Witcher. Mm-hmm, très bien, paraît-il, il faut qu'un des deux, je t'avoue. On enchaîne avec Marie. Je m'appelle Marie Marquet, je suis étudiante à l'université Paul Valéry en jeux vidéo et en game design. Je suis depuis peu présidente de Corescope, une association de création numérique et vidéoludique. Ton jeu vidéo préféré également, cette question s'applique à tout le monde, personne ne va y échapper. Alors mon jeu vidéo préféré, c'est un jeu que personne ne connaît sans doute, c'est Fur Fighter qui était sur... Je connais. Non, personne ne connaît. Personne ne connaît. On ment tous. Floris. Ouais, moi c'est Floris Verplanck, je suis étudiant à IEFM 3D en programmation et game design, et voilà. IEFM 3D c'est une école qui me dit quelque chose. Hein. Oui, quand ça sera mon tour. Voilà. Nous ne voulons pas. Ouais, c'est ça, parce que ma vie est un vrai roman policier. Marie, deuxième Marie. Pardon, ton jeu préféré, Floris. Je suis fan de Nintendo, donc de tête, je pense que c'est probablement Wind Waker, Zelda. Mm-hmm. Très bon choix, très bon choix. 20 sur 20, le fameux 20 sur 20 de jeuxvideo.com. Ok, très bien. Il y en a eu qu'un. Oui, il y en a eu quelques-uns depuis. Breath of the Wild également a eu 20, non ? Il me semble. Tous les Zelda, je crois. Il y en a des fans là-bas. C'est ça. Marie, revenons à toi. Bonsoir, je m'appelle Marie Legrand, je suis en licence d'informatique à la Fac des Sciences de Montpellier. Et du coup, j'ai fait ma première Game Jam cette année à la Global Game Jam. Mon jeu préféré, c'est également Wind Waker. Il est bien pris en compte. Je suis désolé. Un autre Zelda. Ouais, deuxième jeu préféré, allez, soyons fous. Je sais pas. Ah, tu as le droit de répondre Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, c'est une réponse tout le temps acceptée pour toujours. Voilà. La réponse passe-partout. Exactement. Mathieu. Pardon. Alors, bonsoir. Ben, alors, moi, c'est Mathieu Montreuil. Je suis game designer. Je ne suis plus étudiant, non. Mais j'ai fait mes études au Canada, il y a quelques années de ça déjà. Et voilà mon parcours. En gros, je le résume toujours un petit peu comme ça. Maintenant, j'ai fait 11 ans au Canada, donc j'ai passé quand même quelques temps là-bas. Et me revoilà, très content d'être là. Je trouve que l'industrie du jeu vidéo à Montpellier est vraiment super, très prometteuse, en plein décollage, donc j'adore. Et donc voilà, j'ai participé à la Global Game Jam avec Marie cette année, et donc je pense que dans quelques minutes on aura l'occasion de parler de ce qu'on a fait. Et bon, alors comme tous les autres, mon jeu préféré, moi je pense que je vais dire Little Big Planet. Mm-hmm. Je suis très fan. Je les ai fait quasiment tous. Il y en a quelques-uns encore que je n'ai pas fait. Donc voilà. Tu attends Dreams également, leur prochaine. Tous les médias molécules pour moi sont à suivre avec beaucoup d'attention. Donc voilà, j'ai bien hâte de tester ça. Ouais. Du coup, terminons par ma propre présentation. Je suis Vincent Constantin Turki, alias Aros pour cette émission. Je suis étudiant à UFM 3D également en deuxième année de bachelor jeux vidéo option programmation, donc en game design. Et puis, je vais animer cette émission et les suivantes. Ça devrait bien se passer. Les présentations sont terminées, alors on va enchaîner avec le sujet du jour. Est-ce que vous reconnaissez cette musique ? Oh, c'est la musique de la Global Game Jam. Ce qui est tourné presque en boucle pendant plusieurs minutes durant la longue vidéo de présentation du thème de cette année. Je ne sais pas si c'est une musique qui réutilise à chaque fois, mais... Moi, je ne l'avais jamais entendue. En fait, je pense que c'était ma sixième Global Game Jam cette année, puis je ne l'ai jamais entendue avant. Donc, soit j'ai la mémoire très courte, soit c'était jamais utilisé. En fait. Puis alors moi, c'est du coup la première Global Game Jam à laquelle j'assistais, et j'y été en tant qu'organisateur, pas en tant que participant, mais j'ai été étonné du fait que le sujet, le thème de la jam soit révélé à travers une vidéo, surtout aussi longue, qui durait une vingtaine de minutes. Et en plus, le suspense, c'était jusqu'au bout, puisque au début, on voit une fille qui arrive dans le champ de la caméra, et on se dit, elle va nous révéler le truc. Et puis en fait, non, elle nous raconte sa vie, elle nous raconte un peu le parcours de la Global Game Jam à travers les années. Ensuite, ça part sur une autre vidéo complètement what the fuck, produite par Amaze, il me semble. C'était un homme, ça a marqué tout le monde, c'est un homme en collant vert fluo, vert et rose fluo, qui dansait, qui faisait de coach sport, je sais pas quoi il nous dit. De l'aérobic. Ouais, aérobic coaching. Ouais. En nous disant, ne terminez pas vos jeux, la Global Game Jam c'est cool, il faut pas se rendre malade, tout ça. Et oui, donc c'est pour dire que à la finale, le thème transmission, d'accord. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qui avait été montré précédemment. Bref, on va y revenir. Je serais curieux de voir d'ailleurs s'il y a un jeu autour du monde qui a de l'aérobic avec la transmission. Sûrement. Ah, ça serait assez marrant. Sûrement. Ouais. Tu peux pas savoir tous les jeux et les idées que tu peux avoir en jam, c'est assez vrai. Magique. Mmh, mmh. C'est vrai. Mais alors du coup, avant de parler de la Global Game Jam, on va peut-être présenter ce qu'est une Game Jam. C'est pas très compliqué finalement, le principe c'est que vous devez créer un jeu en 48 heures, généralement, parfois c'est 72 heures, parfois c'est un peu moins de 48 aussi, et on vous donne un thème pour créer ce jeu-là. Alors cette année, comme on l'a dit, c'était le thème transmission, et vous pouvez également, je sais que c'est le cas pour la Global Game Jam, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les Game Jams, je ne suis pas sûr, il y a des diversificateurs également que vous pouvez choisir pour vous contraindre un petit peu plus, et du coup vous pousser à la création de façon un peu plus dirigée. Il n'y a pas que la Global Game Jam qui existe, hein, il y a, on peut en citer quelques-unes, il y a la Climate Game Jam également qui est centrée sur l'écologie. Alors ce n'est pas le thème de cette Game Jam, hein. Il y a un autre thème qui vient en plus du fait que ça doit être le jeu doit avoir un propos écologique. Il y a l'Emotional Game Jam, elle a lieu ce mois-ci à Laval, bon, j'y reviendrai, j'ai tout noté de toute façon, c'est dans mes recommandations pour la fin. Donc là sur le thème des émotions, il faut qu'un jeu produise des émotions, bon c'est un petit peu générique comme jam, parce que basiquement un jeu vidéo procure des émotions, quelles qu'elles soient tout de même, mais bon. Et puis il y a une game jam qui est très très sympa dans le concept, c'est la train game jam, où qui se déroule sur, je ne sais plus, 53 heures je crois, sur le temps d'un trajet. La prochaine c'est de San Francisco, ah je sais plus, c'est pas la jam qui se passe dans un train, c'est ça, ouais, ça les amène à la Game Developer Conference, et du coup c'est une game jam qui a lieu dans un train sans internet, il me semble. Imaginez 3 jours dans un train sans dormir, sans se laver, ouais, en train de faire un jeu, sympa. On devrait faire la même entre Montpellier et Paris, avec plein d'allers-retours. C'est génial. Ouais, j'aime beaucoup le concept de celle-ci également. Et du coup la Global Game Jam, eh ben, c'est simplement la Game Jam internationale. Je pense que t'en oublies une quand même, la Lundumdare. Oui. Okay. Donc la Lundumdare, alors du coup tu m'arrêtes si je me trompe, c'est une game jam qui a lieu uniquement en ligne. Oui, c'est oui, ça. C'est qui a lieu deux fois par an, souvent avril et début décembre. Mm-hmm. Mais c'est un petit peu plus longue aussi, non? Non, parce que en fait c'est une game jam qui propose deux catégories. Donc une catégorie compo qui se passe tout seul en 48 heures, et une catégorie équipe, enfin je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est par équipe en 72 heures. Mais la caractéristique de la Lundumdare, c'est que en fait il y a des classements sur les jeux qui sont proposés à la fin, et ça fait que l'impact médiatique, on va dire, des jeux que vous proposez est beaucoup plus important qu'une global game jam où il n'y a pas de classement. C'est vraiment vous faites votre jam pour pour vous et pour créer votre jeu, alors que le Lundumdare, il y a plus un aspect compétition derrière la jam, quoi. Mm-hmm. Et oui, puisque tu fais bien du coup de nous rappeler qu'il faut parler de la Lundumdare, puisqu'il y a des game jams qui ont lieu dans des lieux de rassemblement, et des game jams qui ont lieu des game jams virtuels où vous pouvez les faire de chez vous et uploader votre jeu directement depuis chez vous. Donc la Lundumdare, c'est une game jam virtuelle, et la Global Game Jam, c'est une game jam qu'on peut faire de chez soi. Il faut juste, je pense, pour que votre jeu soit uploadé sur le site de la Global Game Jam, il faut que vous... Il faut être inscrit sur un site. C'est ça. Il faut inscrire votre lieu sur le site de la Global Game Jam. À Montpellier, il y en a eu 3 cette année. Il y a eu donc la Global Game Jam qui a eu lieu à Ionis. Je crois qu'il y en a une à mon école, à Artefix. Et voilà. Il y en a une à Game in the City. Game in the City, voilà, où c'était le cas. Je pense que ça devait être fait dans un appartement, manifestement, où il n'y avait que 5 ou 6 participants, je crois. En fait, ils se sont réunis autour du campus Ionis. Parmi les gens de Game in the City. Donc au final, c'était faisait partie d'Ionis. Ah d'accord. Parce qu'on a vu des photos ou des paquets de chips, etc. Et l'arrière-plan, j'avais l'impression que c'était dans une cuisine d'appartement. Donc... Ah peut-être qu'ils sont ils sont séparés, c'est possible. La effectivement. On en était où? Oui, la Global Game Jam, du coup, j'ai toujours pas défini ce que c'était. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. C'est donc une jam qui a lieu partout, dans plusieurs pays du monde. Chaque année, il y en a plus, en fait, à vrai dire. C'est la jam où il y a le plus de participants. Elle a obtenu un record dans le Guinness Book, ça devait être celui-ci, hein, la Game Jam, qui a le nombre de participants le plus élevé. Et du coup, elle a lieu simultanément dans plusieurs pays. Cette année, c'était l'année dernière, j'ai pas les chiffres pour cette année, l'année dernière, c'était 93 pays pour un peu plus de 36 000 participants. Et ça a commencé cette année le vendredi 26 janvier à 17h, et ça s'est terminé du coup le dimanche 28 à 17h également. Donc une Game Jam sur 48 heures. Qui a fait du coup des game jams ici? Nous, avec Guillaume, on en a fait une en commun, qui était la Climate Game Jam de l'an dernier. Mmh. Donc on l'a fait au château de Castries. Et le thème de cette game jam était 2 degrés avant la fin du monde. Ouais. Donc on est parti sur un jeu avec une petite goutte d'eau qui s'appelait Sancho. Je ne dis pas la catastrophe sur ce jeu, donc on en reviendra je pense après, mais faire une game jam c'est quelque chose qui est très difficile, et sortir un jeu à la fin d'une game jam, je pense que c'est déjà un accomplissement ça. Ah bah c'est certain. Mais surtout en fait on s'amuse, c'est le principe de la game jam, et puis on progresse un maximum en très peu de temps. Moi je sais que j'apprends beaucoup pendant la game jam, et puis je sais que aussi je revois souvent des gens comme Guy, hein, du coup on s'est revus plusieurs fois après la game jam, puisqu'on peut tisser des liens d'amitié pendant l'événement. C'est beau moi non. Oui, effectivement. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai discuté lors de la soirée de Pushstart qui présentait les jeux de la Global Game Jam qui avait été créé à Montpellier, avec l'un des membres de l'équipe qui a produit Transmission, qui me disait qu'il était parti sur... Donc, c'est un Hotline Miami-like, et où on entre dans une boîte où il y a des transsexuels et on doit les tuer à coups de vinyle qu'on leur balance à la gueule. Enfin, oui, c'était assez délirant. C'était, ouais, c'est n'importe quoi. Et il me disait qu'il était parti sur un truc, je sais plus ce que c'était malheureusement, qu'il ne savait pas faire. Ça lui a pris 5 heures. Le mec a appris sur le tas. Maintenant, il sait le faire et il le fait super rapidement. Ouais. Donc bon, c'était pas une perte de temps, même si à la finale... Et en plus, leur jeu, à la finale, il avait une plutôt belle tête, il était jouable. Enfin ouais, c'était un prototype plutôt convaincant, issu de la jam. Et ouais, je voulais rebondir à une autre chose que tu as dit. Ah oui, par rapport au fait qu'on rencontre des gens, Marie et Mathieu, vous en êtes la preuve, il me semble, parce que je crois pas que vous vous connaissiez avant. Non, c'est vrai. Pas du tout. Ouais. Voilà. On a formé l'équipe sur place, et puis voilà, on s'est bien marré. Tant mieux. Bah, enchaînons avec... Floris, est-ce que tu as... Tout au fond de la salle. C'est ça, évidemment. Je ne le vois même pas. Il y a les micros qui nous séparent. C'est une bonne idée. Moi, je n'ai pas encore participé à The Game Jam. Je compte le faire. Là, récemment, je vais commencer à chercher un stage bientôt. Donc vraiment, il faut que je fasse le CV, tout ce qui est carte de visite et tout ça. Donc ça prend la plupart de mon temps, mais sinon dès que tout ça sera fini... Le portfolio. Et je rebondis juste en parlant de CV, une game jam c'est cool à mettre sur un CV, donc faites-en. Oui. Ouais, tout à fait. Effectivement, et Marie, première game jam tu nous as dit, il me semble. Oui, c'était ma toute première, et puis je suis vraiment pas déçue parce que j'ai beaucoup appris et que voilà, on se fait des amis... Et c'est une super expérience aussi de passer 48 heures avec plein de gens qui sont dans la même galère, qui dorment pas non plus. Ouais. D'ailleurs, du coup, tu viens de la licence d'informatique, donc ce n'est pas une formation spécialisée jeux vidéo, et ça ne t'a pas empêché de créer, de coder pour le projet, de participer à la création du jeu. Non, parce que je pense que l'important, en fait, c'est vraiment de s'y mettre soi-même. De toute façon, à la fac, on le voit vite, il faut s'investir soi-même dans du travail personnel à côté. Et vraiment, j'ai tout appris toute seule et ça m'a beaucoup servi pour la game jam et ça m'a pas du tout freiné d'avoir appris sans formation. Donc il faut pas hésiter à se lancer, il faut bidouiller sur le moteur qui nous plaît et puis une fois qu'on arrive, on en apprend encore plus. Je peux confirmer justement, moi je l'ai constaté de mes propres yeux, Marie, même si elle n'était pas dans une formation spécialisée jeux vidéo, elle était hyper efficace, donc je pense que, pour redire un petit peu ce qu'elle vient de dire, c'est s'il y a la motivation, s'il y a un peu d'autonomie, s'il y a la curiosité de bidouiller dans un engin de jeu, bon en l'occurrence évidemment on avait pris Unity qui est quand même un engin, un juste milieu pas trop complexe, Et au final, on allait super vite grâce à ça, donc super. Mmh. Ouais, Unity, c'est entre Game Maker et CryEngine, c'est ça. c'est un très bon résumé. Qu'est-ce que je veux dire, Marie, tu me dis qu'en gros, tout le monde peut faire des game jams. En tout cas, faut pas hésiter. De toute façon, il y a plutôt une bonne ambiance. Tout le monde est, je pense, assez bienveillant sur les game jams. Je pense qu'à partir du moment où... Je dis ça, j'aime bien, je dis ça, j'en ai fait aucune. à partir du moment... Ça va pas m'empêcher de donner des conseils. Hein. À partir du moment où on est honnête sur ses compétences, on est honnête avec son équipe, avec ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, et du coup on ne récupère pas des tâches qu'on ne pourra pas accomplir, je pense que ça peut bien se passer. On peut toujours apporter quelque chose au projet. Et D'ailleurs, il y a pas mal de tâches. Enfin, sur une game jam, il y a beaucoup de profils qui sont recherchés, principalement les développeurs qui savent qu'ils font, c'est encore mieux. Il y a des graphistes, des sound design, du game design, du chef de projet, de la communication pour certaines jams qui permettent de mettre en avant son jeu et de faire une mini communauté sur le jeu qu'on est en train de faire. Donc, et après, il y a même des activités annexes. Si vous avez aucune de ces compétences, vous pouvez être pris en jam pour scénariste ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à en faire. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, la première fois que j'ai fait une game jam, j'étais encore en licence théâtre. Et je suis arrivée comme ça en disant, je viens de licence théâtre, je connais rien du tout aux jeux vidéo. Et je suis tombée sur des gens super bienveillants. Et du coup, on m'a mis en tant que scénariste et ça a bien marché. À propos de ça, j'imagine que les rôles comme sound design, ça va être vraiment rare comparé aux autres. Absolument. J'imagine pas. au Campus Ionis, j'étais organisateur. Il y avait, je crois, 78 participants. Il y avait 3 sound designers. Dans les 3, il y en a 2 qui étaient plus codeurs que sound designers. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de formations sound design. Il y en a quand même 2. Il y a l'ACFA à Montpellier, s'il y en a qui cherchent. Et à Saint-Jean-de-Védas aussi, il y en a une. Avec qui j'ai participé. D'accord. Des gens de là-bas. 2 à Montpellier ou en France. Voilà, c'est pas énorme. Ouais, faudrait qu'on les recrute pour la prochaine Global Game. Ah, mais il faut aller directement chez eux et leur dire venez. Tout à fait. Pour revenir, d'ailleurs, ça m'a fait marrer sur les diversificateurs. Il y a une équipe qui s'est tapée. Vous devez faire les sons de votre jeu à la bouche. Mais ça, c'est génial. C'est excellent. Hein. C'est le meilleur jeu du monde. Mais en plus, leur son, je l'ai écouté. C'est excellent. Ouais. On rigole au moins. Il n'y avait pas que nous aussi, on a rigolé parce qu'ils étaient juste à côté de notre équipe. Et... c'était assez drôle. Oui, et du coup, vous, je crois que c'est Guillain qui disait que. Ou Marie, je ne sais plus. qui parlait du fait que la communication de son jeu pendant la Global Game Jam, c'est éventuellement à bosser également. Puisque, d'ailleurs, il y a des jeux qui sont nés en Game Jam et qui ont été commercialisés par la suite. Donc, on a comme exemple Broforce. Certains succès, Titan Soul aussi, par exemple. Il y a quelques années. Un Titan Soul. Je me souviens, oui. Un jeu de boss fight où on joue un petit personnage avec une seule flèche et qui peut tirer sa flèche et la réattirer vers lui. Mais un jeu assez compliqué, mais super sympa, fait en 48 heures. Enfin, les gars qui font ça, c'est des génies, honnêtement. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y a eu aussi Surgeon Simulator. Exactement. Qui était il y a quelques années déjà, où la thématique c'était le battement de cœur. En fait, la thématique des États-Unis, c'était pas une vidéo et pas du texte, c'était juste un son. Donc, le dévoilement était vraiment juste comme ça, un écran noir avec ce son. C'était vraiment très sympa. Et c'est de là que vraiment est né ce jeu qui marche toujours. Je pense qu'ils en ont fait une version de réalité virtuelle maintenant, donc probablement. Ça marche très bien. Il y a également Superhot qui est en Game Jam. Evoland, Super Gods Will Be Watching. Et notamment l'une des productions qui m'a le plus marqué, c'était A Normal Lost Phone en 2016. Le thème de cette Game Jam, de cette Global Game Jam, c'était Rituel. Alors, pour le coup, le lien entre Rituel et A Normal Lost Phone, il n'est pas évident. De toute façon, ouais, alors c'est ça. Ce que j'ai remarqué du coup en testant les prototypes lors de la soirée organisée par Pushstart, c'est que il y avait un thème, c'était transmission. En vrai, les gens, ils ont fait les jeux qu'ils voulaient. Il y a toujours moyen de trouver le thème dedans. Très honnêtement, le thème, c'est juste un prétexte. C'est ça. Faites le jeu que vous voulez faire et avec l'équipe, enfin, éclatez-vous, quoi. Et puis, en général, ils sont vraiment très larges et il y a moyen de tourner un petit comme on le souhaite, donc Puis bien souvent, en fait, c'est les diversificateurs qui sont beaucoup plus durs et stricts, alors que la thématique, c'est vrai que a toujours été relativement large. On peut la prendre vraiment au sens littéral comme au sens figuré et faire vraiment beaucoup de choses différentes. D'ailleurs, pour revenir sur les diversificateurs, elles vous ont été imposées au Campus Ionis, il me semble. Sachez que ne vous laissez pas avoir, les diversificateurs sont tout à fait optionnels. Par exemple, l'une des équipes a refusé le diversificateur, c'était l'équipe de Hubert, Uriel qui est un habitué de Amalgame que vous allez écouter juste après, et Hubert du Mug, et puis il y avait également leur ami Kevin. Eux, leur jeu, c'était un jeu à destination de la Game Boy. Donc en termes de contraintes, ils étaient quand même pas mal, et évidemment ils se sont pas rajoutés le diversificateur qui de toute façon est optionnel. Donc voilà, faites vraiment les jeux que vous voulez avec les contraintes que vous voulez et ne vous imposez pas grand chose. Ne vous laissez pas imposer des choses plutôt. et puis mince, alors, du coup on parlait d'un jeu que j'avais pas fini de parler. Ah oui, Normal Lost Phone, voilà. Oui, non, c'est un jeu qui, j'en parle encore un petit peu, c'est un jeu qui m'avait impressionné puisque, je sais pas si vous connaissez le concept, en gros c'est une enquête narrative, c'est peut-être un pléonasme d'ailleurs. C'est un jeu où l'interface c'est celui d'un téléphone portable, le concept c'est, le pitch du jeu c'est ramasser un téléphone par terre, découvrez la vérité. Voilà, vous trouvez un téléphone, vous savez pas à qui il appartient, vous savez pas ce qu'il contient, et en fait vous allez fouiller dedans un petit peu parce que vous êtes sans gêne, du coup vous allez en apprendre plus sur la vie de son propriétaire, et en fait pour pouvoir mener l'enquête sur le propriétaire du téléphone, il faut déverrouiller ses mots de passe. Il y a plusieurs astuces, c'est principalement des mots de passe à percer à jour. Mais c'était hyper intéressant et c'était un jeu qui avait un propos. Je vais pas dire de quoi il parlait parce que c'est un petit peu un spoil. Mais c'était un jeu assez engagé. Et du coup, c'est un jeu qui est les membres de l'équipe qui ont travaillé sur Normal Lost Phone pendant la Game Jam, je crois qu'il n'y en a aucun qui se connaissait, ou peut-être un ou deux. Et en fait, ils se sont super bien entendus et après, ils ont monté du coup le studio Accidental Queens. Et leur jeu Normal Lost Phone a été commercialisé par Playgus, d'ailleurs à l'époque Plugin Digital, il me semble qu'il est un éditeur montpelliérain. Et parisien. Parisien. Les deux, en fait, c'est ils ont une filiale à Montpellier, mais le siège est à Paris. Ok. Puis une suite est sortie en 2017, il me semble, qui s'appelle Another Lost Phone, Laura's Story. Ouais, voilà. Le retour. Voilà. On va enchaîner avec du coup la pause musicale, puisqu'après il sera temps de parler de votre jeu, Marie et Mathieu. On écoute du coup tout de suite Forgotten Phone, qui est issu de la bande originale de A Normal Lost Phone. C'est parti. I polish up the brand of me alone with everybody, juxtaposing pictures in the white paint. The art that I put my heart into, my footprint traded in for smiles and upright thumbs. Cause in this place, we're all made of stardust. Just specks in space, and space is all that's left us. When the spotlight fades, I'm not so sure we will. Like anybody else, I can't tell what it is I want, but I will know it on the day I get it. All my feelings and ideas seem increasingly like they're just cheaply made adaptions from the screen. Et vous êtes de retour dans Dev & Retry. On va dans quelques instants parler de du projet de Marie et Mathieu. Juste avant, Mathieu, vous voulez rajouter une précision sur le jeu Super Hot? Oui, parce que je viens de me rappeler en fait que c'est vrai que c'est dans une autre sorte de game jam qui s'appelle le 7 Day FPS, qui est une game jam de 7 jours si je me souviens bien, et c'est là-dedans que le jeu Super Hot est né. Et le concept était tellement cool de le temps n'avance que quand le personnage avance ou se déplace, et qu'au final ils ont pris leur temps et ils l'ont converti en vrai jeu qui est maintenant disponible sur Steam. Donc super, les game jams c'est pas forcément 48 heures, ça peut être aussi une semaine, et ça marche bien. Oui, de toute façon le temps c'est juste pour donner un contexte, généralement c'est pendant le week-end, voilà, parce que tout le monde ne peut pas forcément poser sa semaine pour développer un jeu, mais de toute façon, oui, une semaine, 48 heures, tout est possible. C'est bien les évidences que je sors parfois. Donc nos invités, je voulais vous demander, alors déjà on peut commencer par dire quel est le jeu que vous avez réalisé. Tout à fait, à toi l'honneur, Marie. Déjà, attends, vous étiez combien sur votre équipe, genre comment c'est derrière quoi? Je voulais leur demander, ma première question c'était comment c'est constituer l'équipe. Avant, je me suis dit, on va quand même placer le nom du jeu. Le mec, il me reste un nom. Répondez à ce que vous voulez, on va faire les deux questions. Bah alors, notre jeu s'appelle La Poste 2048. Mm-hmm. On était une équipe de 5. On était 5, ouais. Du coup, avec 3 développeurs, 1 artiste, 1 game designer. Ouais. Pas de sound designer. Pas de sound designer. Pas de sound designer. On a piqué celui d'une autre équipe pour faire. Très bien. Ah, mais j'aurais tout l'ouvrir à la bouche. Ouais. On a le droit à quand même une chanson thématique qui roule en boucle, et le reste, je pense, c'était des effets audio qu'on a récupérés gratuitement sur Internet. Ouais. le câble fait n'importe quoi sur mon téléphone. Voilà. Je voulais vous demander, du coup, c'est fou comme je suis déconcentré. La Poste 2048, c'est très bien. Pourquoi? Oui, quel a été votre diversificateur, du coup? Oui, alors, et le diversificateur qu'on a eu, qui était imposé, entre guillemets, c'était de pouvoir finir le jeu en 30 secondes. Donc, on a eu un petit peu de mal avec celui-ci, c'est vrai, parce que bon, on voulait. Alors, on s'était imposé, mais on voulait quand même essayer de faire notre possible pour vraiment le faire, même si, parce que en réalité c'était pas vraiment imposé, si on n'était pas capable de le faire ça aurait été pas trop grave. Mm-hmm. Mais on a réussi finalement à trouver une manière de le rajouter dans le jeu, donc on va pouvoir peut-être, sans trop spoiler le reste du jeu pour l'instant, on va pouvoir en dire plus, un petit peu plus dans quelques minutes. Donc juste pour donner les grandes lignes de La Poste 2048, au moins donner le contexte. Donc évidemment c'est un jeu de La Poste en 2048. Non. Et méga spoil. C'est super original. Et on a rajouté pas mal de trucs cool par-dessus ça. Donc déjà de 1, c'est un jeu en coop. Donc un joueur à gauche fait la conduite, le joueur à droite en split screen fait la livraison de colis. Du côté du conducteur, donc déjà il doit gérer le volant. En plus de ça, il a un espèce de petit iPad à l'intérieur de la voiture où tous les détails de la commande sont écrits. Donc de temps en temps, il doit jeter un petit coup d'œil sur le iPad et donc quitter la route des yeux. Donc, déjà, c'est super dangereux, c'est super. Mais cool. C'est très bien, ça sensibilise au danger de la route. Tout à fait. C'est un jeu d'anticipation, je vous le dis. Moi. Et de l'autre côté, donc le joueur 2, il fait les livraisons, donc il doit évidemment bien écouter le joueur 1 et ce qu'il lui dit. Et lui, il a dans ses mains un potato gun, donc c'est comme ça qu'il fait les livraisons. Donc il doit lancer les colis et les lettres dans les cibles appropriées sur les maisons, donc soit la cheminée, soit la boîte aux lettres, soit la fenêtre ou la porte. Tout ça, évidemment, en les pulvérisant, évidemment. C'est comme ça qu'on fait les livraisons les plus efficaces. Donc voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais juste avant, ce qui était pas mal, c'est qu'on s'est creusé la tête justement pour finir le jeu en 30 secondes. Et de là, on a inventé le mode grève. Alors, donc il est à trouver, on va pas spoiler comment. C'est la fin secrète à trouver si vous avez à vous mettre en grève. Donc, comme tous les jeux Global Game Jam, vous pouvez le télécharger sur le site de la Global Game Jam. Mm-hmm. Donc, la Post 2048, vous pouvez le télécharger version Mac et Windows. Et donc, il y a ce petit easter egg dans le jeu où on peut finir le jeu en moins de 30 secondes. Si vous allez quelque part de très précis dans le jeu, vous déclenchez le mode grève. C'est pas très compliqué normalement. Donc, on a réussi à avoir le diversificateur quand même. Très bien. Du coup, c'est un jeu multijoueur à deux joueurs en coopération asymétrique. Tout à fait, exactement. Et ça faisait partie de nos discussions dès le début, en fait. Ce qui était sympa, c'est que alors moi j'avais un peu plus d'expérience justement avec les Global Game Jam que j'avais fait dans le passé. Donc j'ai tous les autres personnes de notre équipe. Donc j'ai donné de bonnes guidelines au début pour aller assez vite. On a fait une bonne séance de brainstorming le vendredi soir. Juste par curiosité, c'était quoi l'idée de base du jeu? Parce que c'est rarement la première idée qui reste. Alors il y a eu d'abord de manière très haut niveau, on a listé donc sur tableau blanc évidemment, on a listé tous les sujets, thèmes, mécaniques que ça nous évoquait. L'idée de transmission. Donc on a listé, je sais pas, peut-être une dizaine de choses, quelque chose comme ça. Ouais, on est parti un petit peu loin au début. Toujours il faut. Pour pouvoir. Donc histoire d'aller très large. Après ça, donc il y avait l'idée de, je pense, de colis Amazon ou quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est toi, Marie, à un moment donné, qui a fait un mouvement de la main comme si t'éjectais quelque chose. Elle avait dit la transmission, ça peut être aussi. Super vite livrer les lettres et... Ah oui, voilà. Et là, c'était la seconde où la Poste 2048 est née, quoi. moi, j'ai tiqué là-dessus, j'ai fait « Ah ouais, donc si on fait une livraison comme ça, ça pourrait être... on fait des livraisons avec un potato gun. » Et là, on a enchaîné toutes les idées, on a dit « Ah ouais, alors là, tu fais les livraisons, mais t'es en arrière d'un véhicule, il faut aller les faire super vite devant chaque maison. » Et donc, dans ces cas-là, oui, en effet, c'est asymétrique. Donc, le conducteur, on a dû définir un peu mieux ce qu'il allait faire versus le shooter, ce qu'il allait faire comme livraison exactement. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais petit à petit, on est arrivé à un truc très détaillé sur le tableau blanc et après ça, c'est parti, quoi. On a juste eu le temps de le faire. D'accord. Je pense que là où ça a bien marché, c'est qu'en fait, on a fait un jeu auquel on avait envie de jouer, quoi. Mmh. Et on était tout de suite très motivés pour le finir, pour pouvoir enfin... jouer à notre jeu, et c'est pour ça qu'on s'est éclaté vraiment. Bah clairement déjà, bravo de l'avoir fini. Hein. Ouais. parce que c'est quelque chose de pas facile. Hein. C'est vrai. Parce et que... je l'ai répété justement plusieurs fois. Je me rappelle durant le brainstorming et durant les débuts, c'est que fallait pas qu'on hésite à couper, vraiment enlever ce qu'il y avait de trop. Et essayer de... Alors c'est un petit peu triste à dire pour tous les programmeurs qui font des game jams, mais il faut pas penser à du code propre, il faut juste penser à du code qui fait rouler le truc, quoi. Et c'est des choses que j'ai répété vraiment plusieurs fois, histoire qu'on ait vraiment un produit fini en fait à la fin, quoi. Ouais, clairement, et avoir une très bonne gestion du temps. D'ailleurs, je suppose que vous avez fait votre brainstorming qui était fini relativement rapidement, dans les 2 heures vous aviez votre idée et vous êtes lancé, un truc genre. Alors je sais plus à quelle heure exactement on avait fini. On a fini, il devait être 1 heure du matin. Ouais, ben je pense fini, que... poli, quoi, vraiment. Bah, la consigne que j'avais donnée à toute l'équipe, c'était vraiment il faut absolument qu'on ait fini tout le brainstorming et le game design doc, ou en tout cas sur le tableau blanc, que ça soit mis sur papier d'ici minuit, et après ça on ne change plus d'idée. Et donc bon, grosso modo on a respecté ça, puis après ça donc on a fait le samedi et le dimanche, donc on était juste à fond en mode production jusqu'à la dernière minute. D'accord, donc vous avez quand même pris le temps de bien peaufiner l'idée avant de vous lancer sur du concret, quoi. Oui, parce que ça c'est peut-être aussi lié à mes expériences passées dans certaines game jams, c'est bien souvent on arrive à une idée qui commence à illuminer tout le monde dans l'équipe, et ah ouais voilà, c'est super super, et donc on met quelques lignes sur le tableau blanc ou sur papier, puis après ça moi tout le monde est dans les starting blocks, c'est parti, on part chacun de notre côté, et on se rend compte qu'en fait il y avait plein de zones qui étaient pas définies, et moi j'ai rabâché ça un petit peu à tout le monde sur l'équipe. Je voulais pas qu'on lâche le tableau blanc tant qu'on savait pas exactement ce qui allait se passer seconde par seconde durant les 2 minutes grosso modo d'expérience des deux joueurs, quoi. Donc on est passé plusieurs fois à travers ça justement pour s'assurer que, surtout pour un jeu de joueurs, qu'il n'y en ait pas un des deux qui s'ennuie de temps en temps pendant que l'autre s'amuse, quoi. Et donc on a réussi à faire ça d'ici minuit le vendredi soir, quoi. Ok, parce qu'il y a plusieurs méthodes après quand on fait des jams, c'est on peut soit décider de faire comme vous avez fait, donc d'avoir un truc bien propre et d'ensuite partir sur le développement, soit de passer à peu près 1 heure ou 2 à bien cibler son idée, à être sûr avec toute l'équipe de ce qu'on va faire, et d'ensuite direct attaquer et de faire des itérations sur le projet que l'on a attaqué au fur et à mesure. Oui, oui, absolument. Il y a plusieurs méthodes. Bah, et puis je suis absolument pas contre cette idée, c'est absolument vrai, mais je pense que c'est des trucs qui demandent beaucoup, un petit peu de vélocité de la part d'avoir une équipe avec un petit peu d'expérience, ou avoir peut-être un délai un petit peu plus long. Par exemple le 7 day FPS, je suis sûr que là c'est l'occasion parfaite pour faire des itérations. Là comme bon, on avait une équipe très surtout étudiante. Donc je voulais m'assurer justement qu'on soit tous d'accord sur un truc vraiment relativement simple mais très précis, et après ça c'est parti, on se casse plus trop la tête, et c'est vraiment, il s'agit juste de sauter dans Unity et le faire pour de vrai. Parce que c'est vrai, on peut préciser, un des programmeurs n'avait jamais lancé Unity, je n'avais jamais vu... Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ah ouais. Mais il ne l'avait même pas téléchargé non plus. Ah d'accord. Ah bah, d'ailleurs, tu fais... Ah pardon, vas-y Marie. Non. Bon, de toute façon c'est rapide, oui. Il y en a qui, effectivement, sont arrivés sur les lieux de la Global Game Jam sans Unity. Ils comptaient développer dessus, et il se trouve que sur le lieu, il n'y avait pas Internet. C'est vrai. Donc il faut être prévoyant. Même si, en théorie, le site, pour être validé par la Global Game Jam comme lieu de rassemblement pour cet événement-là, doit avoir une connexion Internet, il se peut que ça n'arrive pas. Là, en théorie, ils avaient Internet, mais il y avait une histoire d'opérateur dont ils changeaient. Là, voilà. J'ai pas tous les détails, je m'en fiche un petit peu, mais en tout cas il n'y avait pas internet, donc il faut toujours prévoir, voilà, prévoyez un téléphone avec un partage de connexion, des câbles Ethernet, des multiprises, de quoi vous dépanner quoi. Maintenant j'ai un peu compris, et je ramène toujours mon disque dur avec Unity dessus, l'installe, et puis plusieurs petits logiciels comme ça qui permettent aux gens de faire un peu tout quoi, et ça nous a un peu sauvés pendant la climat de Game Jam où certains n'avaient pas des logiciels comme Photoshop, et donc on s'est débrouillé un peu comme on pouvait avec nos PC à s'échanger et à se débrouiller quoi. Ça marche bien. Clairement, il y a une petite liste de logiciels à avoir en Game Jam. Surtout qu'à la climat Game Jam, le modificateur, en fait, c'était qu'on n'avait pas Internet. Puisqu'on était dans un château, il n'y avait pas Internet. Ah, et ça, c'était pas mal. Particulier. Particulier. Donc, graphiste, il faut penser à récupérer une banque d'images, se débrouiller au moins, ou avoir un partage de connexion avec un téléphone. Enfin... Et surtout avoir tous ces logiciels déjà de près, donc si vous en voulez 2-3 par exemple, Krita, Photoshop, après PixelArt qui est super pratique pour les game jams. J'ai un petit logiciel qui est génial, c'est JPixel ou Spartan, qui sont de très bons logiciels pour se débrouiller, qui sont entièrement gratuits. Donc vous pouvez partir avec ça pour faire du graphisme. Je mettrai le lien d'ailleurs de tes logiciels dans la description. Je vous ferai une petite liste alors. Peut-être vite fait, c'est un a priori que j'avais, du coup j'aimerais bien savoir s'il était valide ou pas. Quand j'ai parlé de gameplay asymétrique, c'était pas juste pour le simple plaisir d'employer des mots un petit peu savants comme ça. C'était pour savoir si c'était... quelle complexité c'était de programmer ça. Est-ce que vous avez pu vous en occuper parce que tu as plutôt beaucoup d'expérience en programmation, ou bien est-ce que c'est un truc relativement facile et c'est juste un a priori que j'ai que c'est compliqué? En fait, je dirais que le plus gros challenge, en fait, c'est vraiment purement du game design. C'est pas vraiment de la programmation. En l'occurrence, donc là, le setup qu'on a réussi à avoir dans Unity, c'était qu'on a évidemment utilisé les assets fournis gratuitement par Unity, qui sont les standard assets où ils fournissent un contrôleur en vue FPS et un contrôleur pour une voiture simplement. Donc on est parti de ça, et on a mélangé les deux pour en faire une seule et même entité, un game object dans Unity, et déjà avec ça, donc au niveau technologique, on est parti très vite avec. Par contre, au niveau game design, c'est ça où c'est un petit peu plus intéressant, puisque tout d'un coup c'est pas deux expériences copier-coller, c'est vraiment deux trucs qui sont complètement différents, et c'est très important de les garder hyper complémentaires. Et je reviens un tout petit peu justement sur ce que je disais auparavant avec le gameplay seconde par seconde. J'ai vraiment voulu qu'on passe du temps sur le tableau blanc avec ça. C'est très important justement de dire, grosso modo, voici une séquence typique pour le conducteur. Et il va passer d'une maison à livrer à une autre maison à livrer en à peu près 10 secondes. Qu'est-ce qui se passe exactement durant ces 10 secondes? Pendant ces 10 secondes-là, qu'est-ce que fait le shooter? Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il fait rien? Et c'était ces questions justement qui nous permettent de répondre à... Mais comment se déroule cette expérience asymétrique vraiment? Est-ce que les deux rôles sont vraiment complémentaires? Et puis, en l'occurrence, comme le thème était transmission, on voulait régulièrement qu'il y ait un échange, que ça soit gentil ou que ça soit pour se taper dessus, on voulait que ça soit un échange. Et donc, on s'est assuré de ça, d'une bonne asymétrie, un bon côté complémentaire entre les deux joueurs. Ouais, juste pour rester sur ça, un peu en dehors de la game jam, c'est vrai que pour les projets un peu plus longs, moi, de mon côté, on travaille sur un projet asymétrique à notre école, aussi avec trois rôles différents. Et niveau programmation, ça peut commencer à être lourd quand il y a trois rôles vraiment différents qui doivent commencer à travailler vraiment dans le même environnement. Mmh. Et ça crée vraiment trois fois plus de bugs que tu aurais eu normalement. Et au moment où tu dois sortir une démo jouable, ça peut devenir vraiment problématique si l'idée est plus grosse ou moins précise que ce que vous aviez. Ouais, ah bah, après ça c'est absolument sûr, hein, donc en gameplay asymétrique, donc ça veut purement et simplement dire donc, que les deux ou trois rôles sont différents, donc c'est sûr que ça va générer plus de possibilités de gameplay, donc plus de cas à vérifier, donc potentiellement plus de bugs derrière ça, c'est sûr, absolument. Quelque chose très rapidement que je voudrais évoquer, c'est les licences de droit. Il faut savoir que les jeux que l'on exporte sur le site de la Global Game Jam du coup se retrouvent sous la licence Creative Commons qui permet aux personnes qui les téléchargent du coup de les réutiliser. Attends, j'ai noté. Ils ne peuvent pas en faire une utilisation. Pardon. Les gens qui téléchargent votre jeu ne peuvent pas en faire une utilisation commerciale. Et s'ils le partagent, c'est dans les mêmes conditions. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que, bon, déjà, c'est bien savoir ce qu'il en est de votre jeu une fois qu'il est exporté sur la plateforme. C'est parce que pendant la Game Jam, il y a l'un des participants qui est venu me demander. Il voulait utiliser des musiques dans son jeu qu'il récupère sur des banques de données. Il me demandait s'il avait le droit. Il faut se renseigner du coup sur le Creative Commons qui est appliqué. À ce que vous récupérez sur Internet. Il y a des fois où vous ne pouvez tout simplement pas, vous n'avez pas tous les droits en fait. Si il y a des musiques que vous pouvez récupérer, vous pouvez les modifier et les réutiliser dans votre jeu, et il faut juste du coup dans les crédits préciser qui est l'auteur originel et quelles sont les modifications que vous avez apportées. Il y a des créations, du matériel, vous n'avez pas le droit de le modifier non plus, à l'inverse pardon. Pareil, vous pouvez pas, il faut se renseigner si vous comptez faire une utilisation commerciale de quelque chose qui a été créé par quelqu'un, s'il est sous la Creative Commons qui ne permet pas cela, vous risquez des problèmes. Par ailleurs, même si vous modifiez cet élément là, ce matériel de base, si le matériel original est sous Creative Commons qui empêche une utilisation commerciale, vous avez beau le modifier, vous ne pouvez pas le commercialiser, puisque ça part du principe que vous devez partager le contenu sous la même licence, la licence originale. Voilà, c'est des choses à savoir. C'est un petit peu peut-être confus la façon dont je l'explique, mais je vais... Non, ça a l'air clair. Ouais. Très bien. Je vous encourage. J'ai donné un coup de pied à Mathieu. Je vous encourage à aller sur le site de... C'est Creative Commons. J'ai noté le de toute façon Google est votre ami, ouais, c'est ça. Il y a les détails de la licence sur creativecommons.org, c'est très important, c'est quand vous hésitez est-ce que vous avez le droit d'utiliser ceci ou cela et de quelle façon. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, oui, donc revenons au sujet, il nous reste plein de choses intéressantes à dire et si peu de temps. Et je peux en gros, oui, dans ses feuilles. Non, mais c'est ça. Il faut savoir que j'ai une bibliothèque sur la table. Voilà, je voulais vous demander si vous comptiez continuer le développement de votre jeu. Ben, je me suis posé la question en fait parce moi que mais en fait on était très agréablement surpris, je pense, bon, toi comme moi Marie, la soirée Push Start c'est très bien passé, donc on a présenté notre jeu comme tous les autres jeux, donc on a aussi pu avoir un des PC du bar, le Meltdown, pour que certaines personnes de la soirée puissent y jouer. Et à peu près tout le monde, hein, vraiment tout le monde qui a joué a vraiment aimé le jeu. Donc, on a eu beaucoup de très bons retours et puis de personnes qui nous demandaient justement si on comptait en faire quelque chose. Ouais. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est hyper encourageant. Après, donc bon, ça reste un prototype, hein, rien n'était final dans les graphiques. Il y avait quelques problèmes de balancing, on pouvait pas faire un score super méga haut, mais il y avait déjà de la rejouabilité, il y avait déjà du fun, donc c'est déjà très très encourageant, c'est sûr, quoi. Oui, je pense que ça mériterait d'être amélioré. Et... Mm-hmm. Après, quand on voit tous les jeux de la globale, j'ai pu tous les voir du coup sur le PC de Pushstart. Vous étiez le seul jeu en 3D, il me semble. Du coup, il y avait un peu l'effet waouh. Et ouais. J'ai vu plein de gens s'amuser autour, donc oui, effectivement, il a eu un sacré succès. Mais puis c'est alors j'ai toujours cru à ça aussi dans les game jams. C'est vrai que c'est toujours dur d'avoir un jeu à la hauteur de son ambition initiale du vendredi soir. et là, en l'occurrence, je trouvais ça un bon pari de parier sur purement et simplement le fun de deux joueurs qui se parlent, quoi. Et c'est quelque chose qui est plus facile à créer que un jeu d'aventure vraiment en pleine immersion en juste 48 heures, ça c'est difficile. Donc ce fun à deux joueurs, je pense qu'on l'a eu en grande partie. Donc ouais, je pense bon, ça mérite plus de discussion avec Marie, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est super et encourageant. Et avec les autres gens de l'équipe. Oui, voilà, parce que bon, on n'était pas juste deux, hein, on était cinq quand même. Effectivement. Oui, moi je pense. Je n'ai pas fait de game jam. ça m'angoisse, les game jam. Non, honnêtement, ouais, j'ai participé à cette game jam en tant qu'organisateur parce que j'étais curieux de voir comment ça se passait, puisque j'avais énormément d'a priori sur les game jams. Je pensais que ça n'allait pas du tout être mon truc, honnêtement. Moi, dès qu'il y a une deadline, c'est la panique avant que ça commence. En plus, moi, voilà, le thème, c'est-à-dire que transmission, j'aurais ouvert un dictionnaire. Alors, c'est quoi l'étymologie, machin, et tout, on va aller au cœur du sujet. L'année où ils ont eu comme sujet le symbole de l'ouroboros, moi, j'aurais passé 48 heures me questionner sur l'intérêt de la vie, enfin bon. Tout ça pour vous dire, je ne sais même plus quoi d'ailleurs. Si on allait continuer le prototype, oui. Ou pas. Oui, voilà, et donc ce que je pense, c'est que sur une game jam, soit on part sur une idée de jeu qui va être réalisable sur 48 heures, bien, on peut terminer le truc, l'avoir d'une façon assez polish, donc un jeu, peut-être un party game ou un jeu narratif assez court, voilà, une expérience assez courte, mais avec un contenu intéressant. Déjà, c'est pas simple en jam de faire ça. Ouais. Oui, mais, c'est sûr, ouais. Mais du coup, en fait, je me réfère à l'exemple de A Normal Nose Phone, ou bien, du coup, partir sur un projet qu'on a réellement envie de faire, et on se dit, si on arrive bien à travailler ensemble, si ça nous plaît, si on tient le bon bout avec cette idée-là, on continue de le développer après. Mais il ne faut pas, à mon avis, se dire, ouais, là on a 48 heures, on va faire un truc qu'on fera bien, mais pas sûr d'y revenir. Si je peux te couper, ouais, pour avoir fait 5-6 jams, ouais. Je peux te dire que les projets, globalement, ça reste dans le cadre du week-end. Ouais. Tu pars en jam, tu te dis, je vais faire un projet sur... l'aboutissement, ça va être ce week-end. Et que le moment, après le dimanche, après le rendu du jeu, on n'y touche plus. À la limite, on peut corriger des bugs. Ou si vraiment l'idée de gameplay est vraiment bien et qu'il y a une équipe qui se forme autour, pourquoi pas le continuer en jeu concret derrière. Mais globalement, ça reste un jeu, un week-end. Quoi. C'est dit, t'as raison, parce que si tu veux faire toutes les game jams, mais normalement, tu peux pas continuer tous les projets. Ouais, putain, on n'avait pas beaucoup de temps, je viens de perdre 3-4 minutes à raconter de la merde. c'est pas grave. Tu veux qu'on donne 2-3 conseils pour faire des jams? Oui, bien sûr, j'allais te demander. Parce que du coup, pour avoir un peu d'expérience là-dedans, je vais vous donner juste vite fait des conseils. C'est si vous voulez faire un jeu qui soit très concret ou vous voulez avoir fini et qui marche à la fin, je vous conseille de venir déjà avec une team un peu préparée à l'avance. Le souci avec ça, c'est que vous n'allez pas rencontrer grand monde et que justement les jams, ça peut être un aspect rencontre qui peut être vachement intéressant. Mais si vous choisissez cette option et de rencontrer du monde, je vous conseille vraiment de repérer les développeurs. Vous en attrapez un et vous le lâchez plus. Vous l'attachez à la table. Non mais clairement, c'est le développeur, ça va être la pierre angulaire de votre jeu. C'est lui qui fait si le jeu marche ou pas. Donc c'est vraiment la personne indispensable à avoir. Je me suis retrouvé déjà dans des équipes avec que des graphistes et des game designers. Je peux vous dire que le jeu, c'est un diapo. Donc après, une fois que voilà, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais une fois que votre team elle est faite, c'est vous prenez le temps de faire un brainstorm pour que toute l'équipe soit d'accord, mettez les choses au clair sur comment se passe l'organisation, organisez-vous bien de façon à ce que chacun sache la tâche qu'il doit faire à quel moment, et essayez d'avoir les protos fonctionnels très rapidement. Il faut que à peu près entre 12 et 16 heures après le début de la jam, vous ayez déjà votre proto qui tourne, quoi. Donc ça, c'est les principaux conseils. Et après, deux petits trucs aussi, le contrôle S, super important. Ah, oh là là, oui. Et n'oubliez pas de dormir, parce que mine de rien, une jam, c'est une grosse gestion du sommeil. On l'oublie trop souvent. Ouais, absolument. Pour revenir là-dessus, la première game jam que j'ai fait l'erreur de pas dormir, et en fait on perd son sang-froid, on fait n'importe quoi, et puis ça arrive de s'en prendre aux autres alors qu'il faut pas faire ça. Du coup, la deuxième, j'ai dormi, ça s'est beaucoup mieux passé. Et personne n'est mort cette fois. Non, ouais, cette fois-ci, personne n'est mort. Et c'est vrai, juste pour rajouter un petit peu, c'est absolument vrai, et surtout qu'on rajoute, avec la fatigue, on rajoute des bugs à la dernière minute qui qui tuent, simplement. Faut faire vraiment attention à ça, justement. Donc oui, absolument, dormez, c'est très important. C'est vital. Oui, moi c'est, ça m'angoissait également. Je me disais, attends, non, mais si tu vas dormir, les gens vont prendre pour un glandeur. Ça va pas être possible. Et moi j'ai besoin de dormir en fait. Voilà. Donc non, mais en fait j'ai vu comment ça se passait. Je me suis dit, bon, attendez. Oh, déjà, si tu dors 7 heures x 2, hein, parce qu'il y a 2 nuits, et il te reste 34 heures. 34 heures, on est d'accord que c'est presque 35 heures. Et ça, c'est une semaine de travail normal. Ah, oui, ça va. Hein. Et puis surtout, 34 heures au maximum de ses capacités, c'est quand même mieux que de passer les 48 heures quotidiennes. Exactement. Oui. Voilà. Bon, passons aux recommandations si vous en avez. Quelqu'un en a-t-il sur moi? J'en ai, hein, j'ai tout. Je vais juste vous conseiller de jouer à un jeu de jam qui a été Roguelite. Mm-hmm. Donc, si vous voulez un exemple genre du jeu de jam au sommet que vous pouvez viser à faire, donc jouez-y. C'était un jeu qui a été fait à Lundumder 37 ou 36, je crois. Mais si vous voulez vraiment un exemple, et suivez un bonhomme qui s'appelle Deep Knight. Mm-hmm. C'est un gars de Motion Twin qui fait vraiment un super jeu et qui les développe globalement tout seul. Donc là, vous avez vraiment des exemples pour viser le sommet sur vos jeux de jam. Excusez-moi. Quelqu'un a-t-il une recommandation pour des jeux de jam uniquement, ou de ce que tu veux sur le sujet de la Parce que pour des jeux de jam, faut jouer à la Poste 2048. Hein, bah, d'ailleurs, oui, rappelons le site de la Global Game Jam que je mettrai en lien de la description. Oui. C'est globalgamejam.org. Voilà, très compliqué à retenir. Voilà, vous pouvez aller sur le site, vous rentrez le pays, la France, la ville Montpellier, vous allez sur le campus Sionis, le lien du campus Sionis, et puis vous trouverez les jeux qui ont été produits là-bas, notamment la Poste 2048. Et pour les motiver, j'ai regardé, cette année il y a eu 450 jeux français, donc si vous voulez tous les tester, il va falloir s'y mettre maintenant. C'est parti. Du coup, je vais vous recommander un documentaire qui s'appelle Super Game Jam, qui a été produit par Devolver Digital. C'est une série de documentaires. Il y a 6 épisodes qui durent chacun une demi-heure, il me semble. Et en fait, chaque épisode se concentre sur une jam qui est réalisée par 2 professionnels du jeu vidéo. C'est des profils très différents. Il y a des gens qui sont designers, des graphistes, enfin, il y a un peu tout le panel, mais du coup, c'est des équipes de 2 à chaque fois. Et on peut suivre leur processus créatif assez simplement. Et voilà, c'est très sympathique, c'est 15 euros sur Steam. Également, je vous conseille le reportage de post-process sur les Global Game, sur les Game Jam. Toutes les vidéos post-process globalement. Exactement. Il faut... Les dates des événements peut-être. Oui, les événements à venir. Alors attends, j'ai noté ça. Où ça? Là, c'est là, c'est ici. Le 9 au 11 mars, près de Montpellier, je n'ai plus l'adresse exacte, vous retrouvez ça assez facilement sur internet, il y a la Serious Game Jam qui est organisée, co-organisée par Pushstart. C'est une game jam assez particulière puisque elle vous fera utiliser des capteurs d'ondes cérébrales comme contrôleur. Et du coup, c'est une game jam qui sera jugée par un jury de professionnels du jeu vidéo, également de professionnels de la santé et des chercheurs. Donc voilà, c'est une game jam qui s'intéresse à l'accessibilité dans les jeux vidéo, puisque malheureusement, les personnes qui sont en situation de handicap n'ont pas tous les jeux vidéo du monde accessibles, voire assez peu finalement. Hein. Je suis en train de jouer à God of War actuellement, essayer d'étendre ce jeu-là à quelqu'un qui a des difficultés motrices. Voilà. Ensuite, nous avons l'Emotional Game Jam qui a lieu du 27 février au 1er mars à Laval, mais également sur internet, il est possible de participer. Et enfin, la Neon Game Jam qui a lieu à eArtSup du 23 au 25 février à Montpellier. C'est une game jam de 40 heures. Et enfin, oui, tu as quelque chose à rajouter, Moyo? Je rajouterais juste l'Ubisoft Game Challenge qui se passe en avril et qui est une grande global game jam avec des professionnels du jeu vidéo qui viennent juger vos jeux. Puis enfin, terminons avec le mug, le prochain mug, donc Montpellier Mug Unity. M2UG. Ouais, pour Montpellier Unity User Group, qui aura lieu le 15 février de 19h à 21h. C'est à la bibliothèque Federico Fellini au Polygone de Montpellier, qui s'intéressera à un mug en 2 parties, en fait, la première ce mois-ci, la seconde le mois suivant. La première partie a comme chef d'orchestre Thomas Carnisser, qui va s'intéresser à la théorie de la communication, au mécanisme de la communication interpersonnelle. Voilà, c'est ça le mug en 2018. Et la partie de mars, ça sera avec Hubert Grossin qui viendra nous parler de régler ses problèmes de game jam. Nous allons conclure. Attends, puisque... juste oui, pour les artistes, s'il y en a qui sont membres du Push Start, et même s'il y en a qui ne sont pas membres, mais qui s'intéressent à faire des sorties pour dessiner, il y a le Push Start qui organise des sorties dessins, et donc il y a un groupe qui est lié à la page Facebook du Push Start pour choisir quand elle se fera la prochaine sortie, donc ça sera soit le 10, soit le 17 février. Mm-hmm. Donc s'il y a des artistes ou même des gens qui veulent simplement s'entraîner au dessin, qui veulent venir, n'hésitez pas. Si je peux rajouter quelque chose. Oui, vas-y. En plus des éléments. Je pense qu'Amagame va nous tuer de toute façon maintenant. Donc aussi les événements Women in Games qui sont hyper intéressants, qui s'intéressent à la parité dans le milieu du jeu vidéo. Mmh. Et on recherche toujours des développeuses, des femmes artistes, game designeuses. Donc c'est toujours intéressant de venir, que vous soyez homme ou femme. Et à Death and Retry, on fait des efforts. On a deux femmes autour de la table. C'est pour ça qu'elles sont là. Merci. De rien. Non, on est presque à 100%. Je rigole. Oui, non, juste je reviens sur la Serious Game Jam. Actuellement, il leur manque un illustrateur et 600 designers. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous présenter sur cette Game Jam-là, qui a lieu, je le rappelle, du 9 au 11 mars. Vous pouvez retrouver la page Facebook de Damien Retry pour être au courant des prochaines sorties, des événements, voilà, l'avis de l'émission. Mon Dieu, ça fait tellement naturel. Nous rappelons que cette émission est une production Radio Campus Montpellier et je remercie nos invités Mathieu Montreuil et Marie Legrand d'avoir été parmi nous pour nous parler de la Global Game Jam et de la Pop 2048. Mais il n'y a pas de souci. Ça nous a fait très plaisir. je remercie Arnaud qui est à la technique et qui a fait du super boulot comme d'habitude. Merci Arnaud. Et puis nous allons donc enchaîner avec Amalgame qui reçoit pas mal d'invités ce soir. Il y a Christophe Herral, compositeur de Beyond Gnondy Ball, le troisième meilleur jeu du monde, et des derniers Rayman, et également Rémi Gazelle, compositeur du premier Rayman. Voilà, il y a également Caroline Imbert qui va nous parler de cuisine. Enfin voilà, ça promet d'être une super émission bien sympathique qui prend le relais. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Quelqu'un veut-il dire au revoir également, comme ça ne dit pas le seul. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bye bye.